quoi je sens, et un peu tes oreilles pour que je fasse semblant d'entendre. Si nos yeux sont similaires, je te les donne pour voir ma chair. Mes fesses, mes épaules, je donne tout pour que nos yeux ne fassent qu'une paire. Prête-moi ta bouche, que je siffle nos cœurs, et un peu de tes muscles pour faire un mélange de sueur. Si nos mains sont similaires, je te les donne pour voir ma chair. Mes hanches, mes fémurs, je donne tout pour que nos mains apprennent à se plaire. Ne prend sa forme qu'à la maison.